Chérie, s'il nous arrivait quelque chose, comment on ferait pour payer les charges? Les études des enfants? On pourrait protéger notre famille pour moins de 6 euros par mois. Non mais je te parle sérieusement là. Moi aussi. Avec Sécur Famille 2, sécurisez financièrement l'avenir de vos proches en prévoyant le versement d'un capital garanti. Caisse d'épargne, vous être utile. Contrat d'assurance d'essai de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances, distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Cotisation pour un assuré de 35 ans et 30 000 euros de capital garanti en formule optimale. Voir conditions en agence. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la traque de Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon. Demain, nous évoquerons son procès. Raconter l'histoire de Klaus Barbie, c'est explorer ces temps maudits où la guerre frappa une seconde fois l'Europe et la majeure partie du monde, d'où son nom de guerre mondiale. Derrière ce vocable, l'histoire se raconte auprès des soldats et sur les champs de bataille. Mais derrière Klaus Barbie et ceux qui, comme lui, étaient guidés par le nazisme, nous avons découvert d'autres mots, d'autres scènes. Les déportations de civils, les exécutions, les camps de la mort, le génocide des juifs et tziganes d'Europe. Se replonger dans la guerre, c'est rouvrir des cicatrices, une démarche périlleuse parfois, essentielle toujours. Et il en a fallu du temps avant de pouvoir marcher sur les terres du souvenir. En France, la traque et le procès de Klaus Barbie en furent des étapes emblématiques. Cette histoire également est liée à deux noms, à un couple, Beat et Serge Klarsfeld. Cette traque les emmena de Munich à Lima et de Paris à La Paz. Sur leur route, des juges et des témoins, des journalistes et des ministres, des brigands et des révolutionnaires se sont croisés. Cette traque, marquée par une abnégation qui aujourd'hui encore fait école, débute un jour d'été 71 et se finit 12 ans plus tard à Lyon. Les époux Klarsfeld seront avec nous pendant ces deux jours. C'est un privilège de les recevoir et de les entendre. Aujourd'hui, nous accueillons Beat Klarsfeld pour revenir avec elle sur les années de traque. Elle, la chasseuse de nazis, comme la surnomme parfois la presse. En 1971, un journaliste du journal Le Monde la décrivait d'une douceur acharnée, élégante oxymore à qui le temps donnera raison. Vous pouvez retrouver le parcours des époux Klarsfeld dans leur mémoire coédité par Fayard et Flammarion. Ils se racontent, chacun leur tour, de l'enfance jusqu'à la vie à deux, un témoignage essentiel des tourments du XXe siècle. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupouyenquin et Ida Bory, programmation musicale Thierry Dupin, comédien Philippe Pierrard, réalisation Coyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Enzo Labori, Anthony Thomasson. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mais c'était la guerre. Klaus Barbie. Et la guerre. 1987. C'est fini. Le 25 juillet 1944, Paris, la guerre n'est pas finie. Les alliés sont en Normandie, certes, mais le drapeau rouge et noir, le drapeau nazi flotte encore dans les rues de la capitale comme un fléau, une peste qu'on a tant de mal à éradiquer. À Paris et ailleurs, la terreur des dernières heures embrase l'esprit des dignitaires nazis. Cet été-là, un peu partout sur le territoire, avec une lâcheté qui n'a d'égal que leur cruauté, ils entament leur fuite, organisent les derniers convois, exécutent ceux qu'ils ne peuvent déporter. C'est le cas à Lyon, début du mois d'août. Le 11, vers 16h, un train portant le numéro 14166 quitte les quais de la gare Perrache. Entassés dans les wagons comme premier étage du cauchemar, près de 650 femmes, hommes, enfants, juifs et résistants partent vers l'inconnu. Ce train sera le dernier à partir de cette gare vers la nuit et le brouillard. Un nom est lié à ce crime et à d'autres, celui de Klaus Barbie. À la fin de la guerre, il est recherché, puis condamné deux fois à mort par contumace en 1947 et en 1954 par le tribunal militaire de Lyon. En 1971, Klaus Barbie, comme des centaines d'autres criminels nazis, court toujours, vive, travaille en Allemagne ou ailleurs. Certains les recherchent et souhaitent qu'enfin justice soit faite. Beat Klarsfeld en fait partie. Née à la veille de la guerre dans une modeste famille berlinoise, elle ne garde de ses années de chaos qu'un souvenir d'enfant. En Allemagne, le temps des nazis est une histoire dont on ne parle pas, dont on ne se souvient pas. L'horreur des camps, la destruction des juifs et des tziganes d'Europe n'existe pas. Elle est la face cachée de l'histoire, indicible, ensevelie dans les consciences. Ce passé, Beate, cette jeune Allemande, la découvre avec Serge. Elle le rencontre un jour de mai 1960 sur un quai de métro parisien. Il est français de confession juive. Il a perdu son père, déporté à Auschwitz. C'est à travers ces mots qu'elle découvre ce passé. En 1963, elle se marie. Elle porte désormais son nom, Klarsfeld, et hérite de son histoire. Leur combat contre les dignitaires nazis libres commence en 1967. Beate Klarsfeld est révoquée de l'Office franco-allemand pour la jeunesse où elle travaille parce que, dans un article, elle a dénoncé l'élection de Kissinger, ancien nazi, élu au poste de chancelier en Allemagne fédérale. En 1968, elle lui fiche une gifle historique en public. Désormais avec son mari, ils se battront pour ces morts oubliées. 3 ans plus tard, en 1971, débute la traque la plus importante de leur vie, celle de Klaus Barbie. 26 ans après la capitulation allemande, la guerre n'est pas finie car certains crimes sont imprescriptibles. Le 25 juillet 1971, rue Geoffroy-Lanier, Paris. Comme souvent, Beate Klarsfeld travaille dans les locaux du CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine. Elle cherche dans ses cartons d'archives, sur les papiers officiels de l'administration nazie, les bribes de vie des disparus. Ce jour-là, le directeur du centre de documentation lui transmet une photocopie d'un document qui pourrait l'intéresser. Le 22 juin, un procureur allemand de Munich a décidé de clore le dossier Barbie. Celui qu'on surnomme le boucher de Lyon, commanditaire de multiples crimes, dont le plus célèbre fut celui de Jean Moulin, ne risque plus rien. Le soir même, Beate Klarsfeld traduit le document et informe toute la presse. 2 jours plus tard, le progrès de Lyon en fait sa une. La presse nationale suit le mouvement. Klaus Barbie ressurgit comme un fantôme du passé, à la fois symbole et incarnation d'une idéologie démoniaque. Beate Klarsfeld rencontre alors les différentes associations du souvenir et personnalités de la région. Ensemble, ils conviennent de manifester leur colère à Munich au mois de septembre. Entre-temps, Beate convainc une témoin victime de Barbie, Madame Benguigui, de l'accompagner. Cette femme, déportée à Auschwitz dès 1943, avait 3 enfants. Jacques, 13 ans, Richard, 6 ans, Jean-Claude, 5 ans. Sur ordre de Klaus Barbie, le 6 avril 1944, ils sont déportés de la colonie d'Izieux avec 41 autres enfants. Jamais ils ne sont revenus. Lundi 13 septembre 1971, aéroport de Bron, dans la banlieue de Lyon. Ils sont une cinquantaine à prendre l'avion vers Munich. Il y a là quelques jeunes de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, mais surtout une majorité d'anciens résistants. Les journalistes les accompagnent jusqu'au départ. Devant les caméras, Beate Klarsfeld explique l'objectif de ce voyage. Cette délégation qui se rendra à Munich a quand même pour but aussi de montrer aux Allemands que les Français n'acceptent pas ce genre de décisions qui ont été par exemple publiées maintenant par le professeur Abel à Munich en disant que, de traiter les criminels nazis avec une grande complaisance et demandant, comme voulez-vous, si les gens sont déportés à Auschwitz, prouvez-nous que le Barbie, qui était chef de la Gestapo de Lyon, c'est quand même quelque chose, est au courant que les Juifs étaient exterminés là-bas. C'est ça, alors il faudrait quand même montrer avec cette délégation qu'on n'est pas prête, que les Français ne sont pas prêts à accepter ce genre de décision. En Allemagne, la délégation est reçue par le procureur Ludolf. Beate Klarsfeld n'a pas le droit de les accompagner. La gifle contre le chancelier n'a pas été oubliée, on déconseille sa venue. Peu importe, elle utilisera la presse pour se faire entendre. Le lendemain, pendant que le reste de la délégation rentre en France, Beate Klarsfeld et Madame Benguigui s'installent au petit matin sous la pluie devant le tribunal. Malgré le froid, elles restent immobiles. Elles tiennent une photo et 2 pancartes. Sur celle de Madame Benguigui, on peut lire ces quelques mots. « Je ferai la grève de la faim aussi longtemps que ne sera pas rouverte l'instruction contre Klaus Barbie, le bourreau de mes 3 enfants. » L'action produit son effet. Les passants s'arrêtent, discutent, rapportent des couvertures et des boissons chaudes pour les 2 militantes d'une si juste cause. Les journalistes, eux, tendent les micros et photographient la scène. En fin de journée, le procureur Ludolf accepte de les recevoir. Il examine le dossier rédigé par le couple Klarsfeld contre Barbie. À sa lecture, il pointe le témoignage d'un délégué qui aurait entendu Barbie dire au sujet du sort des internés juifs « Fusillé ou déporté, il n'y a pas de différence ». Alors, Barbie connaissait-il la destination des convois ? Le procureur Ludolf le promet. Si le témoin est retrouvé et confirme ses propos, il rouvre l'instruction. Après quelques jours de recherche et avec un peu de chance, Serge Klarsfeld le retrouve et l'homme confirme. Ainsi, le 1er octobre 1971, le procureur Ludolf tient-il sa promesse ? L'instruction est rouverte. Ce jour-là, le magistrat remet 2 photos à Beate. L'une montre Klaus Barbie en 1943 et l'autre, un groupe d'hommes d'affaires assis autour d'une table en 1968 à La Paz, en Bolivie. Parmi ces hommes, l'un ressemble étrangement à Barbie 25 ans plus tard. Est-il Klaus Barbie ? Le procureur ne peut pas en dire plus pour le moment, mais il finit l'entretien par ces mots à l'adresse de Beat Klarsfeld. « Vous m'avez prouvé que vous étiez efficace, aidez-moi à identifier cet homme. » La traque commence. Dès son retour en France, Beat contacte la presse. François hésite, puis refuse de publier les photos pour des questions de droit. Il faut attendre le 2 novembre pour que l'Aurore ose les mettre en une après un examen réalisé officieusement par un responsable du service anthropométrique au Quai des Orfèvres qui estime forte la probabilité qu'il s'agisse bien de Barbie. Très vite, les deux photos font le tour des rédactions en France et en Allemagne. À la fin de l'année, le procureur Rabel, celui même qui avait fermé le dossier, informe Beat Klarsfeld qu'un Allemand vivant à Lima pense avoir reconnu Barbie. Il vivrait en ce moment chez un certain Fritz Schwendt à Lima et porterait le nom de Klaus Altmann. Le 27 janvier 1972, Beat Klarsfeld s'envole pour le Pérou. Pendant que Beat traverse l'Atlantique vers Lima, Serge Klarsfeld fait la tournée des plateaux et explique les preuves qu'a désormais le procureur allemand en charge de l'instruction. Oui, elle prouve que Klaus Altmann et Klaus Barbie ne font qu'un. Ces preuves, il en a donné quatre. D'abord, un long examen anthropométrique des photos de Barbie sous l'occupation et des photos de Altmann prises il y a quelques semaines. Le résultat de l'examen est formel, il s'agit bien d'un seul et même homme. Deuxièmement, la femme de Klaus Altmann s'appelle Regina née Wilhelms. C'est également le nom de la femme de Klaus Barbie. Deuxièmement, la fille de Klaus Altmann a fait une demande de séjour en République fédérale et elle a donné sa date de naissance. Elle est née le 30 juin 1941 à Cassel. C'est ce qui est affirmé dans ses papiers. Or, en 1941 à Cassel, à cette date, il n'y a pas de registre portant le nom de Ute Altmann. Par contre, la fille de Barbie, Ute Barbie, est née le 30 juin 1941 à Trèves. Enfin, le fils de Klaus Altmann s'appelle Klaus Georg Altmann et selon ses papiers, il est né le 11-12-1946 à Kassel, près de Leipzig. Or, la commune de Kassel n'existe pas. Mais, par contre, à Kassel, la femme de Klaus Barbie a donné naissance à cette même date, le 11 décembre 1946, à un fils qui s'appelle Klaus Georg Barbie. Dans le même temps, Klaus Barbie, alias Altmann, passe la frontière. Les autorités péruviennes ne veulent pas prendre le risque de refuser à la France son extradition. Ils préfèrent remettre l'homme entre les mains de la police bolivienne. On l'apprendra plus tard, mais depuis la fin de la guerre, Klaus Barbie a toujours reçu des soutiens inattendus, notamment des services secrets américains, jusqu'en 1951. En Amérique latine, c'est auprès des dictateurs et des généraux qu'il a ses entrées. Et c'est ainsi que le gouvernement bolivien le prend sous son aile. Qu'à cela ne tienne, Beat Klarsfeld le suit et prend un vol, direction La Paz. À son arrivée, comme à chaque fois, désormais, des journalistes l'attendent. Après une conférence de presse improvisée, elle prend la route vers la capitale bolivienne. À travers les vitres de la voiture, elle observe la ville. Dans ses rues où se mêlent immeubles modernes et cabanes indiennes traditionnelles, un ancien criminel nazi vit paisiblement depuis des années. Pour les Boliviens, Klaus Altmann est un Allemand naturalisé en 1957, chef d'entreprise à la tête de la Transmaritima, la première compagnie de navigation maritime du pays qui n'a pourtant aucun accès à la mer. Plus c'est gros, plus ça passe. Pour Beat Klarsfeld, il est un criminel nazi qui a torturé, exécuté, déporté tout au long de la guerre. Son voyage n'a qu'un but, informer l'opinion que Klaus Altmann est un nom qui cache une autre identité, une autre vie. Alors, elle organise ses journées entre interviews et rendez-vous officiels auprès des autorités qui hésitent entre le soutien et la menace. Dans cet hôtel, l'hôtel Sucre, elle rencontre le seul journaliste français présent, Ladislas de Hoyos, qui réalise une enquête sur Barbie pour Antenne 2. Lorsque Beat rentre en France, elle ne le sait pas encore, mais le journaliste vient d'enregistrer un document qui va faire basculer l'opinion et l'enquête. Arrivé à la fin du mois, Ladislas de Hoyos parvient en effet à entrer en contact avec des personnes pouvant lui permettre de rencontrer Klaus Altmann. Après plusieurs jours de négociations et en échange une belle somme versée au ministère de l'Intérieur bolivien, le journaliste français obtient le scoop de l'année. Le rendez-vous est fixé au 3 février 1972 dans les locaux du ministère. Après plusieurs heures d'attente, Klaus Altmann entre dans la pièce. C'est un homme petit, âgé et bronzé. Il sourit devant l'objectif et ne semble pas inquiet. L'enregistrement dure une vingtaine de minutes. 5 jours plus tard, la diffusion de l'interview est annoncée le soir même sur la 2e chaîne. Alors, est-ce Klaus Barbie? Et que va-t-il dire? So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Février 1972, 20h, l'affaire Altman Barbie fait la une. Ce soir, la seconde chaîne diffuse l'entretien exclusif de Klaus Altman. Pour l'occasion, des témoins, victimes du chef de la Gestapo, ont été invités sur le plateau, dont Simone Lagrange. Cette femme a été torturée et déportée par Klaus Barbie alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elle découvre, comme des millions de Français, en direct, l'interview d'Altman. Comment va-t-elle réagir? Va-t-elle le reconnaître 28 ans plus tard? L'interview commence. L'homme nie être Klaus Barbie. Je ne suis pas Barbie. Je l'ai déjà dit, je suis Klaus Altman. Le procureur de Munich aura sûrement l'occasion de faire parvenir les documents pour qu'il puisse les vérifier. Concernant les différentes preuves et vraisemblances entre Altman et Barbie, il parle de simples coïncidences. C'est alors que le journaliste français tente de le piéger. En plein milieu d'entretien, Ladislas de Hoyos l'interroge en français. Altman comprend et d'ailleurs lui répond en allemand, mais du tac au tac. Je ne suis pas allé à Lyon, j'ai vu Versailles, Toulon, mais je ne connais pas Lyon. Étrange, Altman a toujours dit qu'il ne parlait pas français. Ladislas de Hoyos l'interroge ensuite sur ses souvenirs de guerre, sur Jean Moulin. Il lui présente des photos du résistant. Barbie les prend, les regarde et affirme qu'il ne l'a jamais rencontré. L'histoire de Jean Moulin, oui, il l'a lu, dans Paris Match, dit-il. Rien de plus. Le journaliste l'interroge ensuite sur Adolf Eichmann, ce haut fonctionnaire du Troisième Reich, responsable logistique de la solution finale, kidnappé en pleine rue à Buenos Aires en 1960, puis amené en Israël pour y être jugé. Une action remarquable qui enverra le monstre froid au pays de ses victimes, un modèle de justice. Alors, Barbie craint-il le même sort ? Non. Il y a des bruits qui courent que cela pourrait arriver. Ce serait naturellement une très mauvaise chose pour la France. Ladislas de Hoyos va plus loin et demande alors à Altman de lire quelques mots en français, dont acte. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. De Lyon. De Lyon. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. Je ne connais pas Jean Moulin. Je ne connais pas Monseigneur Moulin. Moulin, ça vient, je pense. Sie haben also ein gutes Gewissen, nicht? Tout au long de l'entretien, on peut voir les réactions des témoins dont l'image est incrustée en haut de l'écran, saisissant. Peu à peu, on voit le trouble sur les visages, car le temps n'efface pas totalement la peur de mourir sous les coups, la peur d'être arrêté, torturé et déporté. Cette peur post-traumatique s'exprime à l'écoute de cette voix avec dignité, bien sûr. Même s'ils se sont reconstruits, ces gens sont hantés, comment pourrait-il en être autrement ? Après l'entretien, le présentateur interroge chacune de ces personnes. Alors, Altman est-il Barbie ? Simone Lagrange, René Fusier, puis Raymond Braque, l'ancien compagnon de Jean Moulin, répondent. J'ai été arrêtée, j'avais 13 ans. À 13 ans, on se souvient très bien d'un regard. Pour moi, il n'y a pas de problème. L'allure générale et surtout la façon de regarder cet homme me rappelle étrangement ce Barbie que j'ai connu peu de temps, oui. Il y a 30 ans. J'ai retrouvé chez cet homme la bouche, les lèvres, quelques formes de quelques expressions du visage, la forme générale du visage, la façon de baisser les yeux, de les relever rapidement, de tourner la tête. Et j'ai éprouvé en regardant ces images un petit peu la crainte, l'appréhension que j'avais en regardant Barbie. Pour eux, Barbie n'était qu'un souvenir, une ombre, un cauchemar. Il est désormais un corps vieilli par le temps, vivant et libre. Ce 8 février 1972, le bourreau de Lyon a réapparu sur nos écrans de télévision et dans les paroles de ses victimes. Désormais, pour les Français, Altman et Barbie ne font qu'un. Et le 15 février, le premier d'entre eux, Georges Pompidou, écrit ces quelques mots au président bolivien Hugo Mancer Suarez. Le temps efface beaucoup de choses, mais pas tout. Aussi les Français ne pourraient-ils accepter, sans que l'idée de justice en soit ternie, que crimes et sacrifices soient, pêle-mêle, oubliés dans l'indifférence. Avec cette lettre, le président réaffirme la demande d'extradition de Klaus Altman, émise le 1er février par la France. Georges Pompidou répond à l'émotion, lui qui pourtant avait gracié Paul Touvier, chef de la milice lyonnaise, en 1971, en rasant les murs. Il faudra attendre encore quelques années pour que le passé et la justice frappent à la porte des Français qui ont participé à ces crimes. La demande française concernant Barbie est étudiée, mais il y a peu d'espoir. Aucun accord d'extradition n'existe en effet entre Paris et La Paz. Alors, le 24 février 1973, Beate retourne en Bolivie. Elle est accompagnée cette fois de Madame Ita Rosa Allenbrenner. Le malheur s'est abattu 4 fois sur sa famille. Elle a perdu un mari, un fils et 2 filles. Elles s'appelaient Nina, 9 ans, et Claudine, 5 ans. Elles étaient à Izieux le 6 avril 1944. Elles ne sont pas revenues. Ce malheur porte un nom, celui de Klaus Barbie. C'est ce qu'elle est venue raconter au peuple bolivien. L'opinion passe par la presse et l'émotion, 2 choses que Beate Klarsfeld a toujours admises et comprises. Et le 6 mars, les 2 femmes s'enchaînent sur un banc, en plein soleil, devant les bureaux de l'entreprise de Klaus Altman. Elles tiennent 2 pancartes où elles demandent justice et l'extradition de Barbie au nom des millions de victimes du nazisme. Les micros et les caméras arrivent, elles font la une. Mais sous une dictature, l'opinion du peuple et le pouvoir de la presse ne représentent pas grand-chose, c'est la définition des dictatures. Alors, le gouvernement bolivien ne lâche rien. À leur retour à Paris, Ita Rosa Allenbrenner puis Beate Klarsfeld hésitent à parler de succès ou de déception. Madame Allonbrenner, c'était la première fois que vous preniez l'avion, je crois. Oui, monsieur, je suis dessus. À 68 ans, pour faire un voyage comme ça. Et puis, le gouvernement tient avec Barbie. Je suis dessus. Oui, complètement libre là-bas. Le gouvernement tient avec lui. Peut-être le peuple me comprend. Pas le gouvernement. Non. Je crois que de la visite, il faut être pessimiste, je pense. Dès que la situation s'est développée actuellement, il faut être très pessimiste en ce qui concerne l'extradition. Quelle est la tendance maintenant en Bolivie concernant la demande française d'extradition? Mais on a l'impression actuellement qu'il y a quand même des gens au gouvernement qui sont obligés de protéger Barbie. Il n'y a pas de justice en Bolivie. Comment est Altman? Il se promène librement? Oui, il se promène très librement. Hier, sa femme et sa fille sont allés de Lima à La Paz pour le rejoindre. Donc, il y a des amis qui l'ont vu dans la rue. Ils se promènent avec deux gardes-corps. Et il est un homme tout à fait libre, ce qui est assez étrange, parce qu'étant donné que la France a demandé l'extradition, on pourrait croire au moins que cet homme soit mis un petit peu à part pour qu'il puisse pas fuir. Madame Klarsfeld, retournerez-vous en Bolivie? S'il est nécessaire, simplement, nous allons retourner. C'est Serge Klarsfeld qui retourne en Amérique du Sud quelques mois plus tard pour une mission assez spéciale et même rocambolesque. À l'automne 1972, un homme contacte le couple Klarsfeld, connu désormais dans le monde entier comme chasseur de nazis. Cet homme, c'est Régis Debray, un révolutionnaire français qui a fait ses armes aux côtés de Che Guevara en Bolivie. Il vit désormais au Chili et entretient d'excellents rapports avec le président Salvador Allende. Il pense pouvoir enlever Klaus Barbie avec l'aide d'un de ses amis, un certain Gustavo Sanchez, membre de l'opposition bolivienne en exil au Chili. Les trois hommes se rencontrent à Paris. Le plan est assez simple. Ils savent que Barbie se rend régulièrement dans une scierie dont il a départ, située à la frontière chilienne. Ils souhaitent le kidnapper à cette occasion, puis le faire passer clandestinement par le Chili et l'emmener ensuite en France. Serge accepte de les aider et de rassembler 5000 dollars pour les frais de l'opération. Il s'envole avec cette somme vers Santiago sous une fausse identité pour éviter d'être repéré. Là-bas, il retrouve Régis Debray. Il transmet la somme au commando, puis repart en France et attend. Mais Klaus Barbie ne sera jamais enlevé, car avant même le rapt, les hommes de Sanchez détruisent la voiture en voulant éviter des lamas égarés sur la route. Les semaines passent, Barbie sort libre et protégé par ses soutiens au sein de l'armée bolivienne. Sûr de lui, sûr de ne pas être extradé, sûr de ses soutiens au sein de l'armée, on apprend le 24 avril 1973 par une dépêche de l'AFP que Klaus Altman avoue dans un entretien accordé à un journal brésilien qu'il est Klaus Barbie. Dans cette longue interview en forme de mémoire, il raconte ses années de guerre. Il parle d'Hitler comme d'un génie et affirme qu'il ne regrette rien de ces années-là. L'homme devrait pourtant se méfier. Les dictatures n'ont qu'un temps. Elles finissent par tomber. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la traque de Klaus Barbie. Notre invité, c'est Beat Klarsfeld, à qui nous donnerons la parole dans quelques minutes. Automne 82, 10 ans après son lancement, la traque de Barbie entame son dernier chapitre. Barbie ne le sait pas encore, mais ce seront ses dernières semaines d'homme libre, car la dictature bolivienne vacille. Le 10 octobre, le Parlement de ce pays élit président un certain Hernán Siles Suazo, membre de l'Union démocratique populaire. Dans son gouvernement, on retrouve le dénommé Gustavo Sanchez, l'homme qui tenta de kidnapper Barbie en 1973. Il est désormais ministre, autant dire que la donne a changé. En France aussi, le pouvoir a changé, mais de façon classique, dans une démocratie. À ceci près que parmi les conseillers du président Mitterrand, on retrouve monsieur le révolutionnaire Régis Debray. Tout est désormais en place pour relancer l'affaire. Dès la nomination du nouveau gouvernement bolivien, Régis Debray appelle ses contacts. Pendant tout l'automne, les négociations entre les deux pays vont bon train. Mais l'affaire reste secrète. Seuls trois ministres, celui de la Justice, Robert Badinter, celui de la Défense, Charles Hernu, et celui des Relations Extérieures, Claude Cheysson, sont informés. Jean-Louis Bianco, secrétaire général de la Présidence, joue le rôle de coordinateur de l'opération. Après plusieurs semaines de pourparlers, un accord est proposé. Le président Mitterrand en accepte les termes. Barbie sera expulsé et acheminé sur le sol français en échange d'une livraison d'armes. Le 25 janvier, l'opération dite Klaus Barbie débute. Le lendemain, les Français apprennent son arrestation. Klaus Barbie, alias Klaus Altmann. Alias Klaus Altmann a été arrêté en Bolivie où il était réfugié. Pays où il s'était réfugié et dont il avait même pris la nationalité en 1957. Klaus Barbie était recherché par les polices allemandes et françaises. C'est en plein centre de La Paz, en Bolivie, dans la rue, que Klaus Barbie a été arrêté hier par la police bolivienne. Pas pour ses crimes pendant la guerre, mais pour une escroquerie d'un montant de 10 000 dollars au détriment d'une corporation minière. En Bolivie aussi, les choses bougent. Le 4 février 1983, Gustavo Sanchez est nommé ministre de l'Intérieur. Il chapeaute ainsi la dernière phase de l'opération. Quelques heures après cette nomination, Klaus Barbie quitte la prison de San Prillo. Dans la voiture, il est accompagné de deux officiers et de Gustavo Sanchez. Il le sait sans doute, il ne verra plus jamais la Bolivie ni les tombes de sa femme et de son fils. Sur le tarmac, c'est un vieil homme qui sort de la voiture. Il tremble. L'un des policiers lui prête sa veste. Menotté, il embarque à bord de l'Hercule C-130 des forces aériennes boliviennes. Dans la brume et le froid, Klaus Altmann redevient Klaus Barbie. À l'intérieur, un journaliste a été autorisé à filmer l'expulsion. Voici un extrait de la conversation. Monsieur Barbie ou Monsieur Altmann, avez-vous participé à la Seconde Guerre mondiale ? Oui, j'ai participé à la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai. Que pouvez-vous nous dire de cette guerre, sur cet événement historique ? Voyez-vous, mon opinion est qu'il fallait gagner la guerre. Pour le reste, ce n'est pas la peine d'en parler. Et peu importe les méthodes ? Non, je dis ceci. Celui qui a gagné la guerre, c'est celui qui a raison. Si vous avez étudié l'histoire, vous devez connaître le terme romain, vae victis, malheur au vaincu. C'est cela la base. Hitler a uni le peuple. Si vous deviez faire le bilan du régime hitlérien, serait-il positif ? Je dirais, au moins jusqu'à la guerre. Et après la guerre ? C'est très difficile de juger. Nous n'avons pas assez de recul. Klaus Barbie pense être en route pour l'Allemagne, mais c'est sur le sol français à Cayenne que l'avion atterrit après 7 heures de vol. À la descente de l'appareil, un haut magistrat lui signifie le mandat d'arrêt lancé contre lui en novembre 1982 par le juge Christian Ries. Puis on l'embarque dans un nouvel avion, direction la France. Le 5 février 1983, Klaus Barbie est de retour à Lyon. Le soir même, il est incarcéré au fort de Montluc. Tout un symbole. Jean Moulin y passa deux jours, les enfants d'Isieux y firent escale, Marc Bloch y fut fusillé. Il y a 40 ans, Barbie régnait en maître et en bourreau. Ce soir-là, il dort avec des ombres, avec le souvenir de ses victimes. Son procès s'ouvrira en mai 1987. Nous le raconterons demain. Un pont sur la mer, non pas sur les canaux. Soleil sur la pierre, mais pas les cardinaux. Ta main dans ma main, le monde dans tes yeux. Au ciel italien, d'un bleu miraculeux. Dis, t'en souviens-tu des années d'autrefois, des années perdues, où nous allions là-bas. Un pont sur la Seine, non pas sur les pavés. une chambre d'hôtel. Nos passions apaisées, ta main sur mon cœur, la pluie sur nos matins, le goût du bonheur, ma peur de lendemain. Dis-t'en, souviens-tu des années d'autrefois, des années perdues où nous ne dormions pas. Bonjour Beat Larsfeld, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à vous rapprocher des micros. Voilà. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous venez de publier vos mémoires coéditées par Fayard et Flammarion avec Serge Larsfeld. C'est l'histoire de deux vies qui fusionnent au nom des sentiments, ça ne regarde que vous, mais aussi au nom d'un combat qui nous regarde tous, hein, celui du combat pour l'histoire, pour la justice, pas pour la vengeance, j'imagine, mais pour la justice. Qu'est-ce qui vous a porté, vous, à entrer si fort dans ce combat et aller jusqu'au bout avec l'audace qu'on vous connaît ? Bah, écoutez, vous parlez maintenant de l'affaire Barbie ou oui. En général ? Barbie et en général. En général, vous savez, je crois que la première entrée dans la vie publique, c'était mon engagement en Allemagne contre les criminels nazis. D'ailleurs, d'abord pour empêcher que d'anciens criminels nazis ou des nazis soient dans les postes importants dans la politique allemande, ce qui était le fait du chancelier nazi Kissinger, et puis aussi d'empêcher que des criminels nazis restent impunis. Donc, la première fois, c'était justement spectaculaire, parce que pour demander à chancelier nazi Kissinger de démissionner, ben j'ai essayé de trouver des moyens avec la documentation sur lui, mais aussi pour essayer de faire une action spectaculaire, c'est de la gifle. Donc je dis, ça a quand même rêvé beaucoup de choses et ça m'a projeté en Allemagne en avant en tant que cette Allemande qui essaie de se combattre pour la justice, pour l'art, et pour aussi pour montrer que les criminels nazis n'ont pas le droit d'avoir des postes importants. Et puis pour l'affaire Barbie, mais là aussi, je suis entrée, c'est-à-dire, vous avez rappelé, c'était le procureur de Munich qui avait fermé l'instruction contre Klaus Barbie. C'était une demande faite en 60 par une organisation de résistants en Allemagne. Et là, dans les années 70, vous voyez, c'était normal. On voulait pas que les criminels nazis soient... là, c'était symbolique parce qu'ils n'étaient plus en Allemagne, soient condamnés parce que la société allemande ne voulait pas ça. Et la justice n'est pas tellement indépendante. Donc, on a pu fermer l'instruction contre Klaus Barbie. Donc, c'était quand même pour nous une honte. Et puis surtout, c'était en même temps aussi qu'on préparait le procès des hauts responsables, c'est-à-dire les chefs de Klaus Barbie, Lischke Hagen Heinesen, qui était plus tard condamné à Cologne. Parce que si on avait laissé cette argumentation pour Klaus Barbie, il ne savait pas ce qu'arrivait aux Juifs déportés, mais on aurait dit la même chose au procès de Cologne. Oui, il ne savait pas que s'il signait des documents ou l'arrestation des déportation des Juifs, ce serait pour la mort. Alors, la première étape de cette traque de Barbie, elle passe donc par ce procureur allemand Ludolf qui rouvre le dossier, il vous transmet ces deux photos, on l'a raconté. Mais alors, il vous charge de retrouver Barbie, vous êtes une citoyenne hein, allemande, voilà, mais n'est pas dans la justice. Est-ce qu'il a peur que la machine judiciaire allemande ne joue pas le jeu, n'aboutisse pas ? Non, je crois qu'il était très honnête à la fin, parce qu'ils ont quand même compris qu'ils avaient fait une grande... c'est une faute de fermer cette instruction. Et puis après, il est très coopératif, je vous dis. C'était un Allemand, d'ailleurs, quand il y avait toutes les photos qui étaient publiées dans le Süddeutsche Zeitung à Munich. Il y a un Allemand qui habitait à Limar, Herbert John, qui voyait cette photo de Barbie en 43. Et il disait, mais quoi, il ressemble à un voisin qui habite à côté de chez moi, chez Schwenk, qui était celui qui avait fabriqué des faux billets, les sterling. Mais il pensait que c'était Daneker. Là, il a dit, mais oui, mais ça, c'est... Il a envoyé donc des photos au procureur Ludolf, et qui m'a demandé, venez, Madame Klarsfeld, je vous donne ces photos, essayez de voir Paris avec les témoins, mais aussi avec au service anthropométrique, pour savoir que si le Barbie de 43 est l'homme de Altman qui était pris dans cette société Transmarim-Tam. Donc là, on a commencé à apporter des preuves, comme vous avez dit déjà, la famille Barbie Altman et Barbie avaient les mêmes dates de naissance pour les enfants, pour eux-mêmes. Et donc, ça avait commencé à fonctionner, vous voyez. Je crois quand même on a apporté beaucoup de choses et je crois que la justice allemande était très contente qu'on a aidé, qu'ils retrouvent quand même une bonne image. Alors, il y a un tournant dans cette histoire, c'est l'interview réalisée par Ladislas de Hoyos. Là, vous avez dû avoir un grand espoir. Non, est-ce que c'était un tournant pour vous? Ben non, parce que finalement, quand Ladislas de Hoyos est venu à La Paz, j'étais déjà venu quelques jours avant, la presse était pleine. Je vous dis, quand j'étais arrivé à l'aéroport, vous avez dit que les journalistes étaient là. Donc, c'était déjà connu dans le monde entier. Déjà, mon arrivée à Lima, parce que quand j'étais revenu à Lima, Barbie est partie en Bolivie. C'est ce qui était, disons, pour le plus grand public, c'était qu'il commence à parler, il se laisse entraîner en parlant en français, il tombait dans un piège. Mais en principe, il était déjà identifié à Barbie et à Altman. Alors, on va revenir sur l'histoire, mais puisque vous me parliez tout à l'heure de la difficulté de l'Allemagne à reconnaître tout cela et votre combat pour pas que d'anciens nazis prennent des responsabilités dans ce pays, qu'ils soient d'une certaine manière épurés, qu'il y ait une nouvelle Allemagne qui parte d'un nouveau pied. Je voudrais quand même qu'on rappelle à nos auditeurs ce qui s'est passé en France avec une interview, beaucoup de témoins d'anciennes victimes résistantes ou juives qui se sont exprimés là dans cette émission de Ladislas de Hoyos, mais aussi avec le comportement du président Pompidou qui envoie une lettre au président bolivien. Et je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse de Georges Pompidou à l'automne 72, où il s'explique sur son choix de gracier Paul Touvier, parce qu'on se pose encore la question aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi a-t-il fait ça? Paul Touvier, je rappelle, chef de la milice lyonnaise durant l'occupation. On écoute le président Pompidou, on en parle ensemble juste après. Notre pays, depuis un peu plus de 30 ans, a été de drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l'occupation et ses horreurs, la libération, par contre-coup l'épuration et ses excès, reconnaissons-le. Et puis la guerre d'Indochine, et puis l'affreux conflit d'Algérie et ses horreurs des deux côtés. Alors, ayant été, figurez-vous, dénoncé par des gens de Vichy à la police allemande, ayant échappé deux fois à un attentat de l'OAS, une tentative d'attentat, une fois aux côtés du général de Gaulle et l'autre fois à moi destiné, je me sens le droit de dire, allons-nous éternellement entretenir saignante les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. Alors, Georges Pompidou parle de réconciliation et même d'oubli. Quelle est votre réaction à ces paroles? C'est l'affaire française, hein, évidemment. Enfin, je rappelle quand même que la France a été du mauvais côté pendant 5 ans et elle aussi, elle a eu à reconstruire son image. Quelle est votre réaction? Quand mon mari a commencé à travailler l'histoire de la France et surtout la culpabilité de Vichy dans la déportation des Juifs de France aussi, mais à l'époque, c'était un 15 ans, en principe, on ne savait pas encore que finalement, parce qu'en principe, on pensait que les Juifs en France, les 76 000, étaient arrêtés par l'armée allemande. Mais ils n'avaient pas assez de personnes pour le faire. C'était le gouvernement Vichy, bien entendu, sur l'ordre des Allemands qui ont fait ce travail. Donc, je dis, dans toutes les publications que mon mari a fait, on a commencé à faire comprendre que, voilà, c'était Vichy qui était responsable pour ça. Donc, on ne peut pas oublier ça, vous voyez. Et c'est Serge aussi qui a pu obtenir, avec notre association, de mettre... Après avoir fait condamner les criminels nazis allemands comme Lischka Hagen-Heinrichsen à Cologne, on a essayé de savoir qui étaient les collaborateurs, donc Le Guay, Papon et Bousquet, vous voyez. Donc, il fallait le faire. Mais avec le discours de M. Pompidou, on aurait pu dire, bon, en dehors de Pétain, il va à la balle, il y avait un procès condamné, le reste, on oublie. C'est pas possible. Alors, d'autres présidents, successeurs de Georges Pompidou, ont soutenu la thèse selon laquelle Vichy était une parenthèse néfaste, hein, que c'était pas la République République, c'est bon. Et puis Jacques Chirac lui a dit en 95, mais si c'est la France, ça fait partie de notre histoire, et il faut qu'on l'assume. Quelle était votre réaction à ce discours-là ? C'était un discours extraordinaire au Vel d'Hiv en 1995. Oui, donc pour nous, d'ailleurs, tous les présidents qui ont pris la parole au Vel d'Hiv, au Premier ministre, sont restés dans le même sens. Vous voyez, donc je dis, on a obtenu quand même que là aussi, on reconnaît que Vichy était coupable pour. Voilà. Alors, je reviens sur l'une des étapes importantes quand même de ce processus de la traque de Klaus Barbie, donc cette émission de télévision en 72. Altman est interviewé par Ladislas de Hoyos, et il y a les témoins, hein, des gens qui ont souffert directement dans leur chair, hein, des horreurs du nazisme et de Klaus Barbie. Donc, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, pourvu qu'ils le reconnaissent, et s'ils ne le reconnaissaient pas, comment vous avez vécu ce moment-là? Comment vous l'avez vécu? Non, j'étais pas présent à cette réunion, mais en principe, non, je dis, de toute façon, chacun, vous savez, je crois qu'on peut pas se rappeler exactement si longtemps après, on peut pas reconnaître. Mais enfin, de toute façon, c'était les émotions, c'était là, ils ont dû reconnaître le regard, je dis, etc., et la bouche. Mais en principe, c'était prouvé quand même que Klaus Barbie, Klaus Altman, par les services anthropométriques et par les documents. Donc, je veux dire, l'émotionnel, c'était que les témoins étaient confrontés à Klaus Barbie. Voilà, ça c'est vrai. À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, ce combat, il est gagné? Il est gagné au moment où il était expulsé en 83. Bien sûr. Avant, tant que c'était pas fait, vous étiez... Non, parce qu'on savait très bien qu'avec sous le dictateur de Banzai, il n'y a pas de chance. Et puis, j'ai une amie allemande, d'ailleurs, Lisa, nous a aidé beaucoup. Elle est allée plusieurs fois en Bolivie, à La Paz. D'ailleurs, elle s'est introduite comme une jeune allemande de l'extrême droite. Elle était au club allemand. Elle a dîné avec Klaus Barbie, qui n'a pas caché sa haine des juifs, etc. Il a accepté qu'il était à Lyon. Mais donc, on savait aussi par elle, elle a pris des photos de sa maison, on savait qu'il était resté en Bolivie, parce qu'il y avait toujours la possibilité aussi qu'il prenne la fuite. Oui. Et qui quitte la Bolivie. Donc, on était jusqu'à la fin. On avait même, à la fin, il y avait quelqu'un qui était venu nous voir à Paris en disant, écoutez, alors, pourquoi pourchasser, il vaut mieux tuer sa place Klaus Barbie. Donc, c'était un Bolivien. On lui donnait le nécessaire pour acheter son billet pour aller en Bolivie. Il est venu nous voir à Paris. Et puis, arrivé à Paris, à Lyon, à La Paz, il dit, écoutez, le gouvernement va changer. Là, je crois qu'il vaut mieux. Moi, de toute façon, je n'exécute pas ma promesse. Il vaut mieux attendre. Et en effet, donc, le gouvernement est tombé. Et comme vous avez dit, Gustavo Sánchez Salazar a obtenu un poste au nouveau gouvernement. C'était celui qui, avec nous, a voulu enlever Klaus Barbie et qui maintenant a joué le rôle au ministère de l'Intérieur de le prendre, de l'expulser. Donc c'était, je dis, quelque chose qui était imprévu aussi, mais c'était là, la solution était, disons, notre combat était terminé parce que une fois expulsé en France, c'est normal qu'il y avait un procès, et ce procès, vous allez voir demain, c'était un procès exemplaire. On va en parler aussi un petit peu avec vous avant de se quitter. Votre traque des criminels nazis, et en particulier de Barbie, était peut-être, je ne sais pas, dangereuse. Vous avez eu des pressions, des menaces. Comment ça s'est passé? On a eu des menaces en France. Notre voiture a explosé la nuit. En principe, ça devait exploser le matin quand mon mari a amené l'enfant à l'école. On a un collier piégé. Heureusement, j'étais avec mon fils, avec Arne. On était dans une conférence à Nice et ma belle-mère, on a pété chez ma belle-mère, elle avait été suspecte, elle trouvait que ce paquet n'était pas tellement suspect pour elle, parce que le chat ne faisait pas ses griffes dessus. Et puis quand Serge est rentré le soir, elle m'a dit, écoute, n'ouvre pas ce paquet. Donc mon mari a fait savoir d'où venait le paquet, l'expéditeur n'était pas connu, et puis il a porté ce paquet au commissariat de police dans le 16e, qui aussi rigolait, mais quand ils ont ouvert, c'était quand même 500 grammes de dynamite et 300 grammes de petits clous. Donc vous voyez, on a risqué notre vie, on a eu la chance qu'on a échappé chaque fois. Et vous savez d'où venaient ces tentatives d'attentat? Non, ni la police n'a jamais pu le retrouver. Je crois qu'ils n'ont pas peut-être trop cherché non plus, mais enfin, disons, nous avons eu la chance qu'on a pu échapper. Alors, après son extradition, les Français découvrent les multiples vies de Klaus Barbie, notamment son parcours au lendemain de la guerre auprès des services secrets américains à Berlin. Alors ça, c'est aussi une histoire, une part sombre hein, de l'histoire du lendemain de la chute de l'Allemagne nazie. Bon, c'était le temps de la guerre froide, le temps où les Américains voyaient des communistes partout. Ils se disaient que tout le monde pouvait être utile, hein, y compris les anciens nazis. On va écouter ensemble ce qu'en dit Erhard Dabinghaus, qui parle de ces années-là. C'est un professeur d'allemand qui enseignait à l'époque, au moment où il parle, c'est-à-dire le 10 février 1983, il enseignait à Détroit. Il y a simplement une semaine que j'ai vu pour la première fois une photo de face de lui. Et j'ai dit à ma femme, ça c'est la même avec laquelle que j'ai travaillé en Augsbourg en 1948. Vous l'avez rencontré plusieurs fois ? Oh, pendant bien 6 mois, j'ai vécu presque avec lui. Et pour obtenir quel genre de renseignement ? N'importe quel genre de renseignement. Il s'est présenté à une supérieure à moi comme un agent allemand pendant la guerre et il se vantait d'être le meilleur agent de l'intelligence de l'armée allemande en France pendant l'occupation. Est-ce que c'était une pratique courante des services secrets américains de... Je dois dire qu'on a fait des choses comme ça, mais j'étais convaincu que quand il n'a plus de valeur pour nous, qu'on l'aura donné à la France. Mais il n'a pas été donné. Vous l'avez, oui, vous l'avez permis de partir. Deux fois, il y avait des agents de la sûreté ou deuxième bureau, je crois qu'ils sont représentés, qui sont venus chez nous me demander si je connaissais où Klaus Barbie se trouve. Et j'ai simplement dit non parce qu'on m'a dit de dire ça. On voulait les garder encore jusqu'à là, il est fini, comme valeur, comme informateur. Voilà. C'est un paroxysme du cynisme, ça. Ben non, parce que c'est normal. En principe, c'est pas normal, mais enfin, les Américains l'utilisaient pour obtenir les, parce qu'ils obtenir des renseignements sur le pays de l'Est. C'était quand même l'ennemi du communisme, voilà. Mais aussi, l'Allemagne avait utilisé Klaus Barbie, vous le savez, pour obtenir des informations en question de trafic d'armes. Il était payé par le service par Gehlen, un ancien nazi aussi, qui était le chef du service. BND, les Allemands savaient que Walter Rauf, qui était au Chili, qui était celui qui a inventé les chambres à gaz ambulantes à l'Est, il était payé par le service secret allemand. Alois Brunner, qui était à Damas, était aussi en contact avec les services secrets. Vous savez, les services secrets, ben c'est ça, ils l'utilisent pour obtenir des choses, ils utilisent les criminels. Dernière chose, donc il nous reste à peine une minute, on parlera du procès demain avec votre épouse Serge Klarsfeld. Je voudrais avoir quand même votre sentiment sur ce procès-là, comment vous l'avez vécu. Déjà, vous m'avez dit qu'il était exemplaire. C'est un procès exemplaire. D'abord, il devait être un procès pour les crimes contre les juifs, mais après, c'était élargi aussi contre les crimes contre la résistance. Donc, il y avait des témoins juifs qui parlaient. Donc, je vous dis, c'était le plus important. Pour moi, c'était vraiment le témoignage de Madame Alun Brunner et de Madame Ben-Gigi. D'ailleurs, les deux sont morts peu de temps après. Et puis aussi, les résistants qui sont venus parler de ce qu'ils ont souffert sur Klaus Barbie. Et c'était un procès qui était surveillé par le monde entier. Et c'était aussi la première fois, finalement, quelqu'un était condamné pour crime contre l'humanité. Les Allemands n'ont pas voulu, finalement, aussi un peu Klaus Barbie quand il venait de Bolivie, parce qu'en Allemagne, on l'aurait accepté uniquement s'il était extradé. Mais quelqu'un qui était expulsé, il ne voulait pas prendre. Tant mieux, d'ailleurs, parce que les Allemands ne l'auraient certainement pas condamné à vie comme les Français. Bien, ce sera votre dernier mot, en tout cas pour aujourd'hui, Beat Klarsfeld. Merci beaucoup d'avoir accepté de notre invitation. Et demain, ce sera à côté de moi, là, juste ici, votre époux Serge Klarsfeld. Au revoir, merci. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la traque de Klaus Barbie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain donc, nous évoquerons le procès du même Klaus Barbie, procès à Lyon en 1987.